Allô, poste de commande. Vous m'en savez? Ok, je crois qu'ils sont tous installés. Vous pouvez démarrer. Des arbres et le chant des oiseaux.